chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Petit enfant perdu, coincé au fond de la classe, loin derrière tout le monde, il en a fait sa place. Il n'adresse pas la parole et dans son casque il y a du rap. Veut déjà quitter l'école sans se bâtir un futur durable. Bonhomme enfantin qui ont fini aux oubliettes. Aujourd'hui tu lui parles mal, il te rentre une balayette. Balayé par un présent qui a noyé son passé, qui a coulé son futur, tous ses rêves sont cassés. Lui qui voulait devenir directeur ou astronaute a compris que la misère était une marche bien trop haute. Ce n'est qu'avec ses joints qu'il a la tête dans les étoiles. Avec la rage comme conjoint, il n'y a que l'échec qui se dévoile. Les promesses faites à maman de se remettre dans le droit chemin ne trouveront pas d'écho, même demain et après-demain. Je sais, je pourrais dire plus, mais tout ça c'est assez dit. 10 ans plus tard, on retrouvera ce gamin aux ascétiques. Le sentier de gloire, celui-là n'y pense même pas. Une malformation de naissance n'y empêche de faire un pas. Une journée passée dehors, impossible c'est trop saoulant. Il y a 6 mains quand il dort, toujours dans ce fauteuil roulant. À 6 ans il s'imagine sur un terrain marqué un but, mais il ne sera pas exaucé, la vie est parfois trop injuste. Des questions y en a des tonnes et les réponses font trop mal. Parmi elles la plus tragique, pourquoi je ne suis pas normal. Il n'a rien fait pour être coupable, mais il est déjà condamné. Lui qui ne sera jamais capable d'être heureux pour tant d'années. Mais malgré son désarroi sur son visage et un sourire, il a appris avec le temps que souffrir c'est pas mourir, mais comment avoir des rêves quand sa vie est un cauchemar. Comment prendre le bon chemin quand le destin est un chauffard. Tous ces mots ça en dit long, t'écoutes ça tu prends 10 claques. Mais ce n'est qu'un échantillon de ce que c'est qu'un handicap. Je me retrouve face à moi-même dans la glace de ce miroir et je ressens de la honte de pas sentir l'ombre de l'espoir. Il y a ces bonnes enfantins que j'ai trop vite oublié, mais putain il reste du chemin, il faut que je remette les souliers. Oui j'en ai eu marre et ce soir je déplore le fait que ça soit des insultes qui fassent le bureau des pleurs. Allez Max, on verra quand tu seras plus vieux que t'avais bien tort de te plaindre sur ce présent plus vieux.